C'est la haise, rouya. Allez, viens, on fait d'ici. Je veux changer d'endroit. J'aime pas leur manie. J'aime pas comment tu m'invitais. Maintenant, je suis ton fourreau. Et quand la misère me guettait, y'avait pas un dinero. Elle est rentrée dans ma vie. Je rate depuis tout petit. Elle est rentrée dans ma vie. Ma chérie, dans 100 ans, j'ai mûri. Et à l'extérieur, on a l'odeur du shit. Que des problèmes de stupeur. On a des gros calibres, nos balles perdues dans le vide. Pala, pala, non, où je suis, pala, pala. Non, ne m'appelle pas la pala. Où est-ce que pala, pala. Hey! Deni Denia, oh ma bella. Oui, tu es mon tout, mon petit bijou, oh ma bella. Oh, oh, oh, ma bella. Oh, oh, oh, ma bella. عندي خويتي, عندي الحومة, الباقي وينو. عندي في مخي وراسي خويا وشواتني بالعينو. صبحني كمي وسيمة كمينة. حاكم هربة منين الضربة بيت في تركينا. لغة صعيبة تعمل في العيبة. عندي الكتيبة عندي مع الكتيبة الوش التركيبة. عندي مع أمي الأنسة الوحيدة ليك الخطيبة. الراجل جبن والصاحب يدوين والدنيا غريبة. مراكيلي انا علي علي حب الجو البانانا علي علي رازي جيب الزاتلة علي علي ليلة شنوار.